sympathique. Ça va? Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin et nous sommes le 3 septembre, ça y est, c'est le jour de la rentrée. Alors certains parents vont être contents de se débarrasser de leurs enfants, les enfants eux vont être tristes de se séparer de leurs parents, d'autres vont être ravis de faire par exemple leur première rentrée scolaire. En tout cas, bon courage à tous. Et si vous êtes déjà déprimé en ce jour de rentrée, les prochaines vacances scolaires sont dans 7 semaines. Voilà, c'est pas très long. Allez, bon courage à tous. Et en ce lundi matin, nous souhaitons une bonne fête aux Grégoires. Ça vient du latin signifiant veilleur vigilant. Vifs, communicatifs et adaptables, tels sont les Grégoires sympathiques et charmants. Tout en demeurant quelque peu réservés et en cherchant à préserver leur individualité ainsi que leur intimité, ils savent néanmoins être sociables, mêlant introversion et extraversion selon les moments. Ils possèdent des facilités d'expression, aiment échanger et discuter avec les autres tout en sauvegardant leur jardin secret. Quelque peu méfiants de prime abord, ils sont pourtant francs et directs, mais ont besoin d'être sécurisés ou rassurés pour approfondir les relations. En revanche, une fois conquis, ils se révèlent délicieux, bavards et pleins d'entrain. Avec eux, c'est souvent tout ou rien. L'indépendance est très chère à leur cœur et ils ne sont pas dépourvus de fantaisie. Gais et optimistes, ils possèdent le sens de l'humour et apprécient les jeux, les amusements et les plaisirs. Ils ont même parfois des dons d'imitateurs, savent convaincre, vendre ou amuser. Curieux, les Grégoires sont friands de connaissances mais peuvent être éclectiques ou éparpillés. Dicton du jour, à la Saint-Grégoire, taille la vigne pour boire. Ou encore, pluie du jour de Saint-Grégoire, autant de vin de plus à boire. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de la barbe. En Australie c'est la fête du drapeau, au Qatar c'est la fête nationale, date anniversaire de l'indépendance, et à Saint-Marin c'est également la fête nationale marquant la date anniversaire de l'indépendance. Ça s'est passé un 3 septembre en 301, on remonte très très loin, c'était la fondation de Saint-Marin. 1189, couronnement du roi d'Albert, du roi d'Angleterre, c'est mieux. Richard, cœur de lion, et oui, on est lundi matin, c'est la reprise. 1783, traité de Paris mettant un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis, consacrant la victoire des alliés américains, français et espagnols. 1929, Alexander Fleming découvrait la pénicilline. 1953, entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme. 1971, indépendance du Qatar. 1981, entrée en vigueur de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ouais, bon, c'est encore pas gagné. Allez, on va marquer tout de suite une première pause musicale avec Jennifer Page et son titre Crush. Something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too deep with Jennifer Page avec son titre Crush sur le 107 FM. Il est 8h37. On parle anniversaire. Il s'en est un 3 septembre 1940. Naissance de Macha Méry, l'actrice française, vue dans À Bonheur n'arrive jamais seule dans le rôle de Fanfan Keller. La saga de l'été Tramontagne dans le rôle de Bianca Blum. L'autre saga de l'été Méditerranée dans le rôle de Carla Valbonne ou encore Doc Martin ou Mongeville. 1946, naissance de Gilbert Coulier, célèbre producteur de musique français. 1947, naissance de Gérard Houllier, entraîneur de foot français, ayant fait carrière de 1973 à 2016 en entraînant le Touquet, Nelémines, Lens, le Paris Saint-Germain, l'équipe de France des moins de 18 ans, l'équipe de France des moins de 20 ans, Liverpool, Lyon, Aston Villa ou encore New York. 1948, naissance d'Eva Darlan, actrice française, vue dans Les Monos dans le rôle de Margot, Madame la Proviseur dans le rôle de Marie Calvé, Fais pas ci, fais pas ça, Camping Paradis, Scène de ménage, Candice Renoir ou encore Joséphine Ange Gardien. 1953, naissance de Jean-Pierre Jeunet, réalisateur français, à qui l'on doit La Cité des Enfants Perdus, Alien la Résurrection, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, récompensé par le César du meilleur film et le César du meilleur réalisateur, et on lui doit également Un long dimanche de fiançailles. 1955, naissance de Steve Jones, musicien britannique, guitariste du groupe Sex Pistols, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Anarchy in the UK. Voilà pour l'extrait des Sex Pistols. On va rester en musique puisqu'en 1960, c'était la naissance de Perry Bamont, je vais y arriver, musicien britannique, membre du groupe The Cure entre 1990 et 2004. On écoute tout de suite un extrait du titre Friday I Am In Love. Voilà pour l'extrait du groupe The Cure. On continue les anniversaires. 1963, naissance de Muriel Hermine, ancienne nageuse française de natation synchronisée, championne au championnat du monde. Elle compte une médaille d'or, une de bronze et quatre médailles d'or au championnat d'Europe. 1965, naissance de Charlie Sheen, acteur américain vu dans Platoon, Wall Street dans le rôle de Bud Fox, Wongens, Old Shot 1 et 2 dans le rôle de Sean Harley. En 1993, dans le film Les Trois Mousquetaires dans le rôle d'Aramis, à la télé dans Friends, Spin City dans le rôle de Charlie Crawford ou encore dans la série Mon Oncle Charlie dans le rôle de Charlie Harper. C'est également l'année de naissance de Kostas Mandylor, acteur australien vu dans Saw 3, 4, 5, 6 et 7 dans le rôle de Mark Hoffman, la série télé Charmed, 7 à la maison dans le rôle de Bill Brower, Major Crimes, NCIS, Enquête Spéciale ou encore Once Upon a Time. 1968, naissance de Christophe Mangin, ancien coureur cycliste français, champion de France de cyclocross en 1997 et 98, et il a remporté une étape sur le Tour de France. 1973, naissance de Jennifer Page, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Vincent Trintignant, acteur français vu dans Premier Voyage de Nadine Trintignant, Victoire ou la douleur des femmes, également de Nadine Trintignant, assistant réalisateur sur Bon Marché, L'Insolent, ou encore une famille pas comme les autres. 1975, naissance de Cristobal Huet, joueur de hockey franco-suisse évoluant au poste de gardien de but, ayant une carrière assez hallucinante. Il a tout d'abord joué pour Grenoble, ensuite à Lugano. En 2002, il a joué pour la première fois en NHL avec les Kings de Los Angeles. Entre 2005 et 2008, il a joué pour les Canadiens de Montréal. Ensuite, il a joué pour les Capitals de Washington, pour les Blackhawks de Chicago. Ensuite, il est parti au club de HC Fribourg-Gotteron et depuis 2012, il joue au club de Lausanne. Il est connu pour être le second joueur français à avoir évolué au sein d'une franchise NHL, ainsi que le premier français à avoir remporté la fameuse Coupe Stanley. C'était en 2010 avec l'équipe de Chicago, et à noter que le 15 mai 2017, il a mis un terme à sa carrière internationale après le dernier match de l'équipe de France au championnat du monde. C'était à Paris, on s'en souvient encore. C'est également l'année de naissance de Red Fou, chanteur, réalisateur artistique américain du groupe LMFAO. 1978, naissance de Nicole Hiltz, actrice américaine vue dans la série The Shield dans le rôle de Tulips, La vie avant tout, Smallville, Desperate Housewives, Bones, US Marshall, Protection de témoins dans le rôle de Brandy Shannon. 1979, naissance de Tomo Milicevic, guitariste du groupe 30 Seconds to Mars de 2003 à 2018. 1980, naissance de Jason McCaslin, bassiste du groupe canadien Sum 41, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Still Waiting. How am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Voilà pour l'extrait du groupe Sum 41. On continue les anniversaires. On a bientôt fini. 1984, naissance de Gareth Edlund, acteur américain, connu pour son rôle de Patrocle dans le film 3 ou encore celui de Sam Flynn dans Tron l'héritage. 1985, naissance de Thibaut Vanek, acteur français, connu pour son rôle de Nathan Lézerman dans Plus belle la vie, qu'il interprète depuis 2005. 1986, naissance de Sean White, snowboarder et skater américain, triple champion olympique de Halfpipe en 2006, 2010 et 2018. Et en épreuve de Coupe du Monde, il compte 4 médailles d'or. 1988, naissance de Jérôme Boateng, footballeur allemand professionnel depuis 2006 qui a joué au club d'Aretha Berlin, au club d'Hambourg, à Manchester City et depuis 2011, il joue au Bayern Munich. Et en 2012, on apprenait le décès de Michael Clarke Duncan, acteur américain connu pour son rôle de Geotis Curlenbeer, alias l'ours dans Armageddon, son rôle de John Coffey dans La Ligne Verte, Frankie Fix dans Mon Voisin le Tueur, vu également dans La Planète des Singes, Le Roi Scorpion, Sin City et à la télé dans Mon Oncle Charlie, Chuck ou encore Bones. Allez, petite pause musicale qui va nous réveiller si c'est pas encore le cas à 8h46, LMFAO et leur titre Party Rock Anthem. Everybody just have a good time, yeah. And

Et on a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin. On commence tout de suite avec du football et les résultats de la Ligue 1 où Nice s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Lyon. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-2 à Nîmes. Angers s'est imposé 1-0 face à Lille. Caen s'est imposé 2-0 à Dijon. Toulouse s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Guingamp. Montpellier s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Reims. Nantes s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Strasbourg. Saint-Etienne et Amiens ont fait match nul 0 partout. Rennes s'est imposé 2-0 face à Bordeaux. Et enfin Marseille s'est imposé dans la difficulté hier soir 3-2 sur la pelouse de Monaco. En Ligue 2, ça ne va toujours pas pour Nancy qui s'est incliné 1-0 à Châteauroux. Et Metz s'est imposé 2-0 face à Lens. En National 2, Épinal a fait match nul à Fleury, 2-2. En National 3, Raon l'étape s'est imposé 3-0 à Épernay. Et Thaon-les-Vosges s'est imposé 1-0 face à l'équipe 2 de Nancy. On connaît le tirage des poules de l'Europa League qui a eu lieu vendredi. Bordeaux est dans le groupe C aux côtés du club de Saint-Pétersbourg, de Copenhague et de Prague. Marseille est dans le club H aux côtés de la Lazio Rome, de Francfort et du club de Limassol. Et enfin, Rennes est dans le groupe K aux côtés du Dynamo d'Astana et de Jablonec. Et on va parler d'Antoine Griezmann qui a été élu meilleur joueur de la Ligue Europa. Un mot de basket, le tournoi de Vittel a été remporté par le SLUC Nancy. Un mot de cyclisme avec la Vuelta et à noter vendredi la belle victoire de Tony Galopin. Aujourd'hui c'est repos, bien mérité pour tout le monde. En Formule 1, Grand Prix d'Italie remporté par Hamilton devant Raikkonen et Bottas. Esteban Ocon se classe 6e et Pierre Gasly est 14e. Et à noter que Romain Grosjean a été disqualifié de ce Grand Prix d'Italie. Et on va parler des sports d'hiver. Et oui, même si on est encore en été pour quelques temps encore, quelques semaines, eh bien il y a eu du biathlon ce week-end avec tout d'abord l'Aix Ski Invitational avec la victoire d'Antonin Guigona. Et c'était le retour également de Martin Fourcade au City Biathlon Wiesbaden. Et sur l'Amastart, le Français s'est classé 3e et la victoire revient à Johannes Bö. Un mot de hockey sur glace avec le tournoi d'Épinal. C'était la reprise pour l'Épinal Hockey Club avec son tournoi. Épinal s'est incliné en finale 5-6 face à l'équipe de Colmar. Il y aura encore un match amical le 15 septembre prochain avant de démarrer la saison de Détroit. Oui, ça fait bizarre à dire après une décennie. En Ligue Magnus, et bien voilà, Épinal évoluera en Détroit, va falloir s'y habituer. Et ce sera donc le 22 septembre à Dijon. À noter que 2 bus de supporters ont été lancés et qu'ils sont pleins, voire presque pleins. Et je sens qu'à Dijon, le 22, on va se croire à poisson pris. Et on termine avec du tennis et à l'US Open. Il n'y a plus de Français ni de Françaises dans les tableaux en simple. À noter aujourd'hui, Djokovic affrontera Souza, Federer se repose à Milman, Nishikori à Kohlschreiber et Cilic à Goffin. Et côté féminin, Keys affrontera Sibulkova, Suarez Navarro affrontera Sharapova, Sabalenka affrontera Osaka et Tsurenko se repose à Vondrousova. En double féminin, Kristina Mladenovic aux côtés de Babos s'est qualifiée hier. Et en double messieurs, aujourd'hui, Édouard Roger Vasselin en double avec Bopana affrontera Jérémy Chardy en duo avec Martine. Voilà pour l'actu sportive. On marque tout de suite la dernière pause musicale avec le groupe 30 Seconds to Mars et leur titre Closer to the Edge. To the edge. free. Birth of a song, death of a dream. Closer to the edge. This never ending story, painful with pride and fate. We all fall short of glory. Closer to the Edge, le groupe 30 Seconds to Mars sur RGM. Il est presque 9h, on fait un point rapide sur ce qui vous attend. Dans quelques secondes, ce sera la rediffusion de Clip Clap, on tourne avec Tanguy. Pas de bulle de l'IA hein, aujourd'hui. La prochaine émission, ce sera lundi prochain, 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 18h, L'heure des loups avec Lou qui nous parle de la maison de la Bresse. 20h, Le calendrier de François et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée. Bonne journée à tous.